lettre au président. Au Périgueux à Paname, écoutez ça. Périgueux à Paname. Monsieur le Président, je vous écris cette lettre pour vous dire que je suis dans la galère, galère. J'ai parcouru 600 km de Périgueux à Paname pour venir vous voir. Écoutez-moi. Monsieur le Président, je me tue à trouver un toit pour mon fils qui est à côté de moi, de Périgueux à Paname, pour venir vous voir. Ah ouais, pour venir vous voir. Monsieur, écoutez-moi, je suis un père qui est dans le désarroi. Je vous demande que l'on me tende les bras pour trouver un toit à mon fils qui est à côté de moi, de Périgueux à Paname. De Périgueux à Paname, lettre au président. De Périgueux à Paname, il y a un enfant avec moi. Écoutez-moi. De Périgueux à Paname.